Quand je m'entendais appeler, j'accourais fort content et muni d'un grand appétit. Car, c'est encore une chose à noter, que quelque malade que je puisse être, l'appétit ne me manque jamais. Nous dînions très agréablement, en causant de nos affaires, en attendant que maman pût manger. Deux ou trois fois la semaine, quand il faisait beau, nous allions, derrière la maison, prendre le café dans un cabinet frais et touffu que j'avais garni de houblon et qui nous faisait grand plaisir durant la chaleur. Nous passions là une petite heure à visiter nos légumes, nos fleurs, à des entretiens relatifs à notre manière de vivre et qui nous en faisaient mieux goûter la douceur. J'avais une autre petite famille au bout du jardin. C'était des abeilles. Je ne manquais guère, et souvent maman avec moi, d'aller leur rendre visite. Je m'intéressais beaucoup à leur ouvrage. Je m'amusais infiniment à les voir revenir de la picorée, leurs petites cuisses, quelquefois si chargées qu'elles avaient peine à marcher. Les premiers jours, la curiosité me rendit indiscret, et elles me piquèrent deux ou trois fois. Mais ensuite, nous fîmes si bien connaissance que quelque pré que je vinsse, elles me laissaient faire, et quelques plaines que fussent les ruches, prêtes à jeter leur essaim, j'en étais quelquefois entouré, j'en avais sur les mains, sur le visage, sans qu'aucune me piquât jamais. Tous les animaux se défient de l'homme et n'ont pas tort. Mais sont-ils sûrs une fois qu'il leur ne veut pas nuire? Leur confiance devient si grande qu'il faut être plus que barbare pour en abuser.